Certains pourtant, je sais que c'est parce que c'est vraiment pas. Et je retourne là-bas, je vais rallumer le calumet qui me calmait. Tu sais qu'on verra sans doute la fin, quelle que soit la personne qui conduit. Pourtant, si t'as des enfants, tu sais qu'on verra sans doute la fin de notre vivant. C'est bien bon aussi de voir la fin du film. C'est bien, c'est bien quand ce sera fini pour toi. Moi aussi, quand ce sera fini pour toi et pour moi aussi. Quand ce sentira plus que le récit, ce sera. Pas très bien. Qui sait? Thank you.